Dimanche, le 1er mai, c'est la Grande Marche pour la forêt. Ici Jean-Pierre Boivin, président d'Alliance Forêt Boréale. Je vous invite à vous joindre aux élus municipaux et aux travailleurs de la forêt pour affirmer votre appui à l'exploitation durable de notre ressource forestière, créatrice de richesses chez nous. Soyez au rendez-vous à 11h à l'Hôtel de Ville de Saint-Félicien. La foresterie, c'est aussi une solution au changement climatique. On va parler de golf avec notre ami Michel Allemand. C'est une chronique et la chronique revient pour je sais pas combien d'années. Salut Michel! Bonjour Danny! Michel, on va parler d'abord... comment ça s'annonce là? Il fait super beau à Dolbeau-Missisni. Je sais pas du côté de Chipougamo, là, mais c'est que ça dit. Pour une des rares fois, ça ressemble quasiment à l'été. Ben, c'est après une autre aussi. On n'a pas été choyé au niveau température à date, là. On a beaucoup de difficultés à pogner 14-15 degrés. Là, hier, il faisait 20, puis aujourd'hui, il annonce aussi 20, puis les prochaines journées. Donc, on peut dire que ça va faire un bien immense à notre terrain, surtout au niveau des verts. Ouais. Les greens ont manqué de chaleur, fait que ça va quand même bien. Ils en reprennent de jour en jour, mais... c'est la chaleur que ça va prendre. Là. Effectivement. Donc, puis là, ben, je lisais sur le Facebook ce matin du club, c'est l'ouverture aussi en fin de semaine avec le tournoi. C'est-tu en fin de semaine? Oui, c'est le tournoi d'ouverture en fin de semaine, c'est ça? La semaine prochaine, okay. Le 3 juin. OK. Donc, qu'est-ce qu'il y a cette semaine? Là? En fin de semaine, il n'y a pas de tournoi comme tel. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ça va être vraiment le début de saison pour la très grande majorité de nos membres. Et ça va se mettre en branle tranquillement. On a ouvert la semaine dernière. Okay. Cette semaine, à date, ça n'a pas été facile au niveau température. Fait que hier, ça a été bon, puis ça commence à ressembler à du golf. Là. Ben, effectivement. Donc, dis-moi, je faisais la chronique avec le club de golf de Saint-Prime, puis ils ont des problèmes avec, semble-t-il, avec des champignons, puis ainsi de suite. Puis Gilles me disait que c'est pas mal. Plusieurs clubs de golf sont pas au même problème. C'est ça même affaire à Chipougamo? Nous, on les traite. Ah, OK. On appelle ça du champignon d'hiver. Ouais. C'est comme une mousse qui se forme quand il y a trop d'humidité gardée par la neige. OK. Faut mettre des fongicides à l'automne. Puis ça permet d'éliminer ça là, en grande partie. Sinon, à l'été, comme là au printemps, ben c'est remettre du sable pour assécher les verres. Fait que c'est... Nous, on a déjà eu, là, quelques années, mais on va toucher du bois, là. C'est réglé, là, depuis les dernières saisons. C'est-tu bien dur? Surtout cette année, ce qu'on a eu, qui est une première depuis qu'on est en opération 25 ans, c'est qu'on a été ravagé par une douzaine de corbeaux. Oh, OK. Oui, ils ont mangé complètement la pelouse, là, je te dirais, sur un allée, un trou numéro 3 qui est plus en forêt. Puis la première journée qu'on a enlevé les toiles, ils ont mangé pratiquement la moitié du verre. OK. Parce que probablement l'hiver a été pas trop froid. Il n'y a pas eu beaucoup de gel au sol. Puis les verres sont en surface. Puis probablement que les corbeaux ont senti ça. Fait que là, on a eu une attaque de corbeaux. Il a fallu se mettre des épouvantails sur le terrain. Puis on a eu un membre qui est venu de bonne heure le matin avec un petit chien de chasse pour faire peur aux volatiles. Mais là, ça semble se résorber, non? OK. Donc, je reviens aux champignons. C'est-tu bien... normalement, c'est-tu dur se débarrasser de ça? Ou vous autres, ça c'était dur? Ben, c'est une question de semaine. OK. Puis tu traites ça à quoi? Avec de l'engrais, quoi? Mets ça avec un herbicide spécial, là. Un fongicide. OK. Puis un coup appliqué, généralement, là, au bout de 2-3 semaines, ça va recommencer à revenir vert. OK. Mais ces primes sont pris avec ça cette année, fait que c'est... Il y a beaucoup de clubs qui ont eu des drôles de problèmes cette année. Ouais, OK. Beaucoup de clubs ont eu de la moisissure sur la paille qu'ils mettent pour recouvrir les verres. Puis ça l'a amené de maladies, puis ils ont plusieurs verres défectueux. Okay. Par contre, à Saint-Gédéon, j'ai été jouer la semaine dernière, le terrain est pratiquement comme au mois de juillet, aucune imperfection, 100% numéro 1. Puis Kevin Fortin me disait que lui, ils n'ont même pas mis de toile cette année. C'est la première fois en 40 ans que ça sort aussi bien que ça. OK. Fait que je te dirais qu'honnêtement, là, c'est souvent une question de chance un peu. OK. Hey, les memberships, on s'est parlé au mois d'avril. Comment ça va de ce côté-là cette année? Et nous, ça va bien. Ouais, OK. On avait un objectif de tout près de 190. On est rendu à 170. Fait que quand les étudiants vont venir, puis les juniors vont s'inscrire, on devrait atteindre notre objectif qui nous permet de se maintenir là, depuis 7 ou 8 ans, ce niveau-là. Okay. À date, on a déjà une vingtaine de nouveaux membres. C'est très bon. Ça va compenser là, la vingtaine qu'on va perdre cette année. Okay. Donc, à ce niveau-là, on est très satisfaits. On anticipe une bonne saison. On a une belle programmation, beaucoup d'activités. On se croise les doigts pour la mère nature. Ben oui. Puis on anticipe une bonne année. Ben, c'est ça. Hey, le deck hockey, as-tu atteint la folie? C'est à Saint-Prime, c'est la folie furieuse. 400 joueurs, ça risque de faire mal aux autres sports. Est-ce que ça l'a atteint Chipougamau, ça? Non. Pas encore. On a une ligue chez nous depuis 3 ans. OK. Qui joue sur une patinoire extérieure avec une surface de béton, là. Ouais. Mais ça attire les jeunes. C'est une clientèle, malheureusement, au niveau des 25-35 ans, qu'on a beaucoup de difficultés à recruter. OK. Puis c'est des jeunes qui pratiquent beaucoup le hockey. Fait que je te dirais qu'ils sont là, eux autres, durant l'été. Ah, OK. Ben, Michel, c'est un rendez-vous hebdomadaire à partir de cette semaine. Fait qu'on se rappelle bientôt. Toujours un plaisir, mon ami Danny. Oui, le directeur général du club de golf de Chipougamau, Michel Lannoy.